Unité 2. Page d'ouverture. Activité 2 et 3. Page 33. Piste 21. Salut Hugo. Salut Alice. Écoute. J'ai un téléphone fixe à la maison. Et toi? Tu as un téléphone chez toi? Oui, bien sûr. Nous avons aussi un téléphone. Il est dans le salon. Et qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? J'appelle mes copains. Je demande des informations. Moi aussi. C'est génial.